te mama. Yeah, yeah, ou quitte baba baba. Yeah, yeah, ou levé ou al marié. Femme, yon te balé, ou. Zam, yon te balé, ou. Yeah, yeah, ou quitte mama. Yeah, yeah, ou quitte baba. Yeah, yeah, ou levé ou al marié. Femme, yon te balé, ou. Zom yo te bale yo. Puis après, j'ai un sap fini, oui. Dadaïa. yeye, fam nan kite yo. Yeye, ajwen mama ou. Mama ou pap jan kite yo. Se pou pa mek nan te. Yeye, fam nan kite yo. Fam nan kite yo. Yeye, ajwen mama. Ale jwen mama ou. Mama ou pap jan kite yo. Pap jan kite yo. C'est pour pas mec dans terre. Yeah, yeah. Tout le monde te parle. Maman, papa, ou frère, cousin, cousine. Tout est de bon ça, non, ça va le faire. Son mariage civil enterré verbal. Ouais. Yeah, yeah. Wap tu es comme mon nom. Ouais. Mes femmes ça va le marier. Son femme qui gomme 14 à 15 ans. Depuis coquin dans ses socay maman. Pour si on même cal de coquin ratier fait ça. Bec fait, rend mon pas le marier avec lui. Mais c'est malhonnête, yé yé. Wap tu es comme mon nom, ouais. Alors, bagay qui dit, c'est l'on homme marié à confie. Ou à l'en travail, ou quitte madame ou la caillou, en bon ordre, soit 10 ans. Pour voisinage, voyez les yeux pour. Et puis ce voisinage, à quoi j'en sers des combinaisons louches pour livrer madame ou à la crier public. Mais c'est malhonnête, yé yé. Wap tu es comme nan, ouais. Bon, regardez ça qui veut. Gardez vos cherches dans le travail pour venir faire constat, madame, sur route de l'ambi, non vieux décapotable, à pied non vieux pieds en man, avec trois vagabonds sans asile. Mon cap marché fait des arrois, des avis. Yeah, yeah. Wap tu es comme nan, ouais. Bon, nous pas lanzin, nous pas lanzin. Gardez non, mesdames, mesdames ça y est là. Ou te connais très bien, quand madame vient chercher pour le mener, ou vient danser ses lèvres. Si t'es combat, contingent, pas contingent, bagaille, toi choy. Ou te fait pour expliquer tout bagaille avant de te déplacer avec lui. Parce que quand madame saute la caille, il connaît la vine chacho la caillou, son question de fête et founi. Oui, son question de fête et founi. Comprenez? Donc c'est pas l'arrivé dans le bal là, comprenez? Ou a vu créer problème, une série de bagailles, comprenez? C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Et puis attendez, ça fait arriver, dit camarade là. Oh chérie, chérie. Moi, ton bagaille là, il va fâcher, non? Il va fâcher, non? Monsieur, mais dis-moi, non. Même si je suis senti, mon bagaille qui va normal, senti, il pas à l'aise. Oh oui, chérie, pendant ma place avec toi, moi, mon petit Jean, quand on t'a donné au monde, qui 99 plus 1. Aïe, aïe, aïe. À la porte, il a tombé à mon monsieur même. Regardez quoi, vous avez créé problème, mes camarades là. Hein? Bon, en tout cas, passons. Bon. C'est gâté le poil gâté. Ou pas quand rien de sérieux à faire pour lui. C'est gâté le poil gâté. Ou pas quand rien de sérieux. Pas rien de sérieux. Et puis, t'en es salarié, vêtu comme Adla. Au chéri, sous quoi menti. Moi, aux zètes là, ouais. Moi, aux zètes là, ouais. Sous quoi menti. Bah là, c'est gâté le poil gâté. Ah, mais qui soit qu'on fait pour lui comme ça? Qu'est-ce qu'on fait pour lui comme ça? Fais expérience. Pas mal de matin, pas mal de midi, pas mal de soir pour essayer de pas gâter dans mes mains. Pas raison pour faire tout le bagage ça, yo. Pour être tout petit caoté, chargé avec Zépina là dans lui. C'est pas sérieux, moi. Pas raison pour faire tout le bagage ça, yo. Et puis qui soit qu'on fait pour lui comme ça? Son question de trois fois par jour. Trois fois par jour. Oui, trois fois par jour. Trois fois par jour. Trois fois par jour, trois fois par jour. Bâti de l'eau, bâti de l'eau, bâti de l'eau, bâti de l'eau, bâti de l'eau, bâti de l'eau, bâti de l'eau. C'est ça seulement, pas quand on rencontre. Ça va vous. Bon, ma foutre sermenté, ma sermenté quand même, ma foutre sermenté. On m'attendait toute prière par jambes, mon Dieu. Même prière par Marissa privée, ma sermenté.